On a tous. Moi, j'ai terminé de lire depuis hier la biographie de Georges Vézina. On a eu Michel Lancette la semaine passée, et on lui a parlé évidemment de cette idée-là de faire revivre et faire connaître l'histoire de Georges Vézina. Très, très bon Oui. livre. Et en ligne, ben, j'ai le petit-fils de Georges Vézina, M. Yvon Vézina. Bonjour, M. Vézina. Bonjour, vous. Je vous salue, puis je salue en même temps vos auditeurs. Ben oui. Monsieur Vézina, comment vous avez trouvé cette biographie-là de votre grand-père? Est-ce que vous êtes content quand même du produit final? Vous m'avez dit hier que vous l'avez lu également. Oui, j'ai terminé hier la lecture. Hey, j'ai été épaté. Ça OK. me même et ça va même m'inciter à la relire une deuxième fois. J'ai trouvé ça intéressant. C'est facile à lire, la compréhension est simple. Je pensais que ça allait être lourd au début à cause qu'il faisait la biographie au point de vue sportif, mais non, il y a des anecdotes de sa vie privée et ça rend d'autant plus le volume intéressant. Je le recommande à vos auditeurs, là, c'est ils manqueront pas le bateau avec ça. Moi, ça m'a suscité un vif intérêt. OK. Vous m'avez dit qu'il y a bien des choses que vous ne saviez même pas sur votre grand-père, hein? Oui, absolument, parce que c'était pas de coutume à l'époque. Mon père, Marcel Stanley, et mon oncle Jules, ils parlaient pas de Georges Vézina. En aucun temps, oh, il y avait des discussions là-dessus. On dirait que c'était de coutume, là, qu'on parlait pas, ils parlaient pas de son père. Peut-être parce que lorsqu'il est décédé, il y avait 9 ans, puis ça a été porté tranquillement dans l'oubli. Même Madame Barry, son épouse, on l'a connue, a déjà vécu 2 ans chez nous à Jonquière, dans la OK, rue ah, Berville. OK, ah oui. Elle parlait pas de son mari. Ah oui, OK. Zut. Puis même quand j'étais jeune, là, 6, 7, 8 ans, elle demeurait à Kénégami, puis j'allais des fois séjourner chez elle. Parlait pas. Elle parlait pas de son ancien mari. Elle demeurait avec Omer Larouche, son nouveau mari, Ouais. puis elle parlait pas de Georges Vézina. C'est OK. bizarre, hein? Pourquoi, avec le recul, pourquoi? C'est-tu parce qu'elle était gênée? Pourtant, c'est pas gênant, là. Pas gênant du Non, tout. c'était pas de coutume. Il était décédé, puis on dirait que ça faisait partie du passé. Comme nous, là, Ouais. ça faisait partie du passé. Oui, c'est mon grand-père, c'est le père à mon père, Marcel Stanley. On avait une photo de mon père assis dans la coupe Stanley, puis une de mon frère Georges aussi. OK. Mais ça allait pas plus loin que ça. OK. Donc vous, quand le centre Georges Vézina, vous avez ça pas plus de fierté. Des fois, tu peux dire, ben, c'était mon grand-père pour vous, ça passait comme dans du beurre. Non, pas à ce point-là. OK. Non. C'est sûr que le centre Georges Vézina, Ouais. c'était un centre d'intérêt pour nous. OK. Même si on avait souvent l'occasion d'y aller, là, c'était pas. On avait une fierté quand même, là. Une OK. fierté familiale, mais ça n'allait pas au-delà de cette fierté-là. OK. Et j'étais pas en mesure, moi, d'apporter des éléments pour éclairer les gens sur la vie de Georges Vézina. C'était pas accessible à ce moment-là pour moi. OK. La fille, la première épouse, l'épouse de monsieur de Georges Vézina qui a vécu chez vous, est Oui. décédée aujourd'hui, est sûrement décédée quand même, là. Est Ouais. décédée à Saint-Jérôme en 1968. OK, Madame Larouche. ça fait quand même un très très bon bout. J'étais même pas au monde. Oui, ah oui. Enfin, Dites-moi. Bambou, c'était Ouais. une belle femme. On Ouais. voit qu'elle avait des origines bourgeoises. OK. Quand on allait chez elle lorsqu'on était jeune, parce que mon père nous amenait avec la famille à Kénégami souper chez elle, c'était de style bourgeois impeccable dans la maison. OK. Parce que nous, on avait une grosse famille. Mon père avait 5 enfants. Donc, c'est pour l'époque, là, il gagnait quand même des bons salaires, conduisait des locomotives. Mais par rapport à notre matériel, puis chez elle, là, il y avait un monde. Là. On voit c'était vraiment là, de classe, sa maison. C'était OK. impressionnant, tellement que nous, car elle allait ces journées-là, on se sentait un peu mal à l'aise face à ce genre d'environnement-là. OK. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris dans le livre qui vous rend le plus fier? Bon, il y a quelque chose qui m'a frappé, puis je tiens à partager avec vous. OK. C'est un peu en regard de ses loisirs. OK. C'est drôle, hein? Il y a un fait marquant qui me fait, qui a attiré mon attention, puis je dis, tiens. Et ce fait marquant-là a suscité deux intérêts chez moi. Okay. J'ai compris pourquoi. Bon, le fait marquant, c'est que M. Vézina Georges avait un camp de chasse et pêche au lac Saint-Germain, près de Sainte-Rose-du-Nord. Ça, je savais pas ça. OK. Là, je me suis posé la question, est-ce que j'ai déjà emmené mon père à la pêche, là, lorsqu'il était jeune? Oui, c'est sûr. Bon, suite à ça, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai compris pourquoi qu'une fois par année, mon père avec la famille, on allait une fois par année à la pêche, soit dans le parc des Laurentides, soit d'une pourvoirie. Il y avait une passion pour la pêche, Marcel. OK. Donc, les origines, tu sais, quelque part, moi, je ne suis pas un chasseur, je ne suis pas un pêcheur. Donc, il faut que le père aime ça. Là. Donc, vous pensez que vos origines pour la pêche et tout ça, ils viennent un peu de là. De Georges Vézina. OK. Oui. C'est pour ça que depuis 25 ans, personnellement, j'ai un camp de chasse et pêche. Mon frère Georges l'aîné en a déjà eu un. Ouais. Ah, donc, j'ai encore mon camp de chasse et pêche. Okay. Puis, je vais avoir bientôt 74 ans. OK. Dites-moi, c'est quand même un entrepreneur incroyable. Il y avait une douzaine d'entreprises. Est-ce que ça, vous étiez au courant de ça? Pas du tout, cher. Ça, c'est un élément qui m'a surpris. Okay. Et là, je fais un autre rapprochement. Ouais. Mon père aussi, Marcel, était un genre d'entrepreneur. Il aimait brasser des affaires. Il a déjà eu sa rue Laurier à Kénigami, un petit magasin de sport, des mini-avions là, qu'on construit. Là. Donc, il avait la base des affaires, Marcel. Et c'est là que j'ai vu que Georges Vézina, ça m'a surpris. Il y avait une grosse entreprise. Il y avait même des contrats avec l'Alcan puis tout ça. Là. Et ça m'a épaté. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose de très, très bon. Quand vous dites aussi que, à quelque part aussi, c'est une fierté de voir que 100 ans après sa mort, le trophée porte son nom aussi, le trophée du meilleur gardien de but, encore une fois, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Là. Oui, puis Patrick Roy, dans sa préface du volume du volume de Georges Vézina, en parle du trophée Georges Vézina. Et c'est toujours d'actualité, une fierté pour les gardiens de but lorsqu'ils reçoivent ce trophée-là. Ouais, ouais. C'est vraiment une fierté. Donc, on voit que le personnage est vraiment passé à l'histoire un peu aussi par l'entremise de ce trophée-là. Ouais. Dites-moi, dites-moi, est-ce que vous avez quelque chose, des objets qui ont appartenu à votre grand-père encore? Pas du tout. Non? C'est ça qui est triste dans notre famille. On n'a pas d'objets. Il y avait le garçon Jules Josselin, je pense qu'il avait quelques objets, mais il les a donnés à un musée. Okay. Je ne sais pas si c'est au musée à Toronto. Probablement, oui. Il y avait des patins. Mais ces objets-là, ils ont été très convoités à travers l'histoire et ils ont pris beaucoup de valeur. Je me souviens dans le livre, M. Lalancette relate le fait que après sa mort, il y a eu un match de hockey bénéfice pour la famille Vézina, les survivants. Et il y a des objets de Georges Vézina qui ont été vendus à l'encan. Ouais. Pour l'époque, c'était de très gros montants, comme son bâton de hockey et quelques autres objets, là, des gants et tout ça. Ouais. Dites-moi, est-ce que vous avez-tu des parties familiales? Avez-tu déjà des rencontres également? Si vous me dites que c'était avec Georges Vézina, on n'entendait pas parler, c'est sûr, ça fait 100 ans. Il faut quand même raconter l'histoire. Là. Moi, Anna puis toi, des histoires de mes descendants, que ça fait 100 ans qu'ils sont morts, tu sais, on passe à un autre appel. Il reste que c'est quand même, le centre Georges Vézina porte ton nom, donc quelque part, c'est quand même une fierté pour la ville. Mais est-ce que vous en avez déjà parlé entre cousins, cousines, entre frères? Non. Pas du tout encore. Non, on n'a pas eu d'événement de cette nature-là. C'est pas venu sur le sujet. On dirait chacun a une fois que mon père est décédé, on dirait que chacun a fait son petit bonhomme de chemin. Ben oui, OK. Et on s'est concentré, nous, en prenant de l'âge sur notre cellule familiale, nos enfants, nos petits-enfants, et notre centre d'intérêt a dévié à ce moment-là. Est-ce que vous pensez que ça devrait... Est-ce que Georges Vézina devrait voir son chandail retiré par le Canadien, selon vous? Oui, absolument. Et je tiens à souligner, tandis que je voudrais pas... extrapoler là, de votre interview, là. Ouais, mais Là, le fait qu'il a été reconnu comme personnage historique au niveau de la ville de Saguenay, et que des démarches sont entreprises au niveau provincial par M. Jonathan Skin de Ville-Saguenay pour que Georges Vézina soit reconnu au niveau provincial comme personnage historique. Ben, j'espère. Donc, moi, je lis le livre, puis il y a matière à film, puis il y a matière à télé-série. Absolument. Parce que c'était vraiment pas facile de ce temps-là de jouer au hockey, d'avoir des entreprises également. Et ça mourait jeune, hein? 38 ans. Oui, absolument. Ça mourait très, très et jeune. Et le taux de mortalité chez les jeunes était très élevé à ce moment-là. Ouais. Monsieur Lalancette relève dans son livre que de 1909 à 1918, que Mme Larouche, Mme Vézina, Mme Marie, a eu 9 enfants. Et peut-être nous et d'autres qui n'ont pas été enregistrés. On dit 22 avec les fausses couches et ainsi de suite. Là. On dit 22 avec toutes les grossesses et fausses couches et mort-nées et ainsi de suite. Là. C'est ça, mais. Puis il y en a deux seuls qui ont survécu, Jean-Jules puis Marcel. Il y en a un autre, Joseph-Pierre, en 1917, mais quelques jours après sa naissance, il est décédé. Mais les gens se formalisaient pas trop avec ça parce que le taux de mortalité à ce moment-là était élevé chez la population. C'était vrai ça. Ben, M. Vézina, merci beaucoup. Pas mal intéressant d'avoir une entrevue, voir comment vous avez trouvé le livre. Donc, évidemment, moi, je l'ai dit à Michael, c'est un excellent livre. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez, très facile à lire également. C'est pas compliqué. Oui, on embarque tout de suite dans le livre. Puis, des belles fois. Donc, c'est tout qu'un travail. Merci, M. Vézina, d'avoir fait une entrevue et d'avoir expliqué le nom de la famille. J'annonce la bonne nouvelle. Oui. Mes petits-enfants, mes petits-enfants ont chacun volume. Donc, eux, vont connaître leur arrière-grand-père mieux que nous autres. Mieux que nous autres, oui. Êtes-vous un amateur de hockey? Très fier. Et je remercie M. Michael Lalancette pour son travail de moine. Ah, je pense, par l'intermédiaire de son volume, il donne leur juste aux gens sur la notoriété de Georges Vézina, le personnage. Ah oui, puis il remet les pendules à l'heure, puis il replace Georges Vézina dans un contexte historique, et je pense que c'est une fierté régionale. Et même provincial. Écoute, le trophée porte encore, le trophée du meilleur gardien porte encore son nom 100 ans après sa mort. 100 ans après sa mort. Et j'espère que la ministre de la Culture va faire en sorte qu'il va être reconnu comme personnage historique au niveau du Québec, non seulement pour la famille, mais pour tous les amateurs de hockey du Québec. Êtes-vous un amateur de hockey, M. Vézina? Non, pas du tout. Moi, je suis devenu un professeur d'éducation physique. OK, donc vous n'êtes pas un amateur de hockey, donc vous n'étiez pas... Non. J'ai un petit-fils qui joue au hockey, par exemple, qui excelle. OK. Il demeure à Chambly, il est bon dans le hockey. Oh, une anecdote, ma fille, Mélanie, lorsqu'elle était jeune, son plaisir, c'était de garder les buts à la ringuette, puis elle était bonne. Ah, hein, on voit des fois des gènes, à un moment donné, ça perpétue sans qu'on s'en rende compte. Ah oui. Donc, encore une fois, félicitations, Michael Lalancette, c'est tout un travail de recherche. Oui. Il y a du travail de recherche là-dedans. Là. C'est pas facile, les recherches, dans ce temps-là aussi, là. Les articles de la Paletterie, puis ainsi de suite. Là. Ça ne va pas être facile à trouver. Monsieur, Monsieur Vézina, merci beaucoup pour le plaisir de se parler. Ça fait plaisir, mon cher monsieur, puis je vous souhaite, prenez bien soin de vous, puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc, M. Yvon Vézina, le petit-fils de Georges Vézina, que le livre qui paraît aux Éditions de l'Homme, fait par Michael.